Nous rentrons donc dans le vif du sujet. Et dans la première partie de la table ronde, qui portera donc sur l'itinéraire professionnel et militant de chacun des invités que nous recevons aujourd'hui. Et nous souhaiterions évidemment commencer par poser des questions à Jean-Henri Roger, directement concerné par les images que nous venons de voir autour de Vincennes et surtout l'expérimentation aux côtés de Jean-Luc Godard. Et donc je me permets, Jean-Henri, peut-être de te demander un peu tout de suite quelle était finalement ta pratique en mai 68 et tout jeune, comment s'est faite ta rencontre avec Godard? J'avais 18 ans. Hein. Vous avez vu, j'avais 18 ans. Voilà. Parce qu'on voit Jean-Henri à l'image. Bah oui. Mais j'avais 18 ans. C'est un peu archaïque, c'est un peu l'archéologie maintenant. Mais oui, c'est moi qui jack à côté de Jean-Luc. Non, mais je sais pas quoi. Parce qu'il y a un truc qui m'embête toujours un peu dans cette histoire, c'est que finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et que maintenant, ce pas grand-chose, je n'ai pas dit que ce n'était pas important, hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et je pense que Jean-Luc, justement, nous, peut-être qu'on est les moins exemplaires là-dessus. Et pour des raisons assez simples à comprendre. C'est Jean-Luc, vous avez vu l'engin, là, le Sony, là, ça faisait 70 kilos, ce truc-là. Enfin, 40 kilos, attends. 15. Tu es fou. Non, tu parles de ça, toi. Le gros qu'on voit à l'image, ça faisait 70 kilos, ce truc. Non, 30. Bon. Et là, il y en a encore là, chez le sous-marinier. Chez le sous-marinier qui ira supposer. Il y en a un. Ça pesait très lourd. C'est-à-dire que c'est pas le truc avec lequel tu te baladais, quoi. C'est ça que je veux dire. Il fallait le poser, le fixer, le poser quelque part. Donc, Jean-Luc, je crois que c'est... j'étais dans une école de cinéma idéaliste qui n'a pas duré longtemps, qui s'appelait l'IFC, où Jean-Luc enseignait. Je crois que ça doit être en octobre 68 ou un truc comme ça. Il est arrivé avec ce truc, Sony, là. Il a dit, voilà, il y a Sony qui m'a donné ça. S'il y a quelqu'un qui a une idée, il a qu'à le prendre. Et vous savez, c'est des trucs sur lesquels on ne pouvait pas monter. On ne pouvait pas monter. Quand tu montais, tu coupais dans le magnétique, quoi. Donc, on ne montait pas, quoi. Hein. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui dure? C'est des bandes, elles duraient même une demi-heure, je crois, me rappeler. Qu'est-ce qui dure une demi-heure, qui a un début, un milieu, une fin? Je me suis dit, il y a le câlin. Donc j'ai mis la caméra tout en haut de ma chambre, et sous les draps, j'ai fait un câlin avec ma copine. Et j'ai apporté ça à l'IFC. Et Jean-Luc, ça l'a fait marrer, évidemment. Birch a évidemment volé l'image que je n'ai jamais revue. Et après, à ce moment-là, Jean-Luc m'a demandé de travailler avec lui. Et quand je dis c'est ce qu'on en a moins fait, et les questions sont simples à comprendre. C'est que pour Jean-Luc, c'était plus simple de tourner en film. C'est-à-dire que ce langage sur la liberté qu'on est en train de dire sur la vidéo, pour nous, c'était une contrainte terrible. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas monter. Parce que Jean-Luc, même dans la période la plus marginale, s'il téléphonait, il disait « je veux un peu de pellicule », on ne lui disait pas « Monsieur Godard, allez vous faire voir chez les Grecs ». On lui filait de l'oreille. Il avait quand même un minimum d'accès aux moyens de production. Donc, si tu veux, la vidéo, l'idée de la vidéo qui était de chez Maspero, qui était très, très simple, en réalité, elle demandait une énergie complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que, théoriquement, on devait faire ça tous les 8 jours. Je ne sais pas si on l'a tenu tous les 8 jours, je ne sais pas combien de temps on l'a tenu. Explique justement ce en quoi consistait peut-être ce journal. Il y avait l'écran qui était là, il y avait un truc, il y avait marqué tous les soirs à 20h, et donc c'était le même qui circulait pendant 8 jours et qui était passé tous les soirs à 20h dans la grande salle de Maspero, sur l'écran de télé de Maspero. Et donc, l'engagement du début, c'était qu'on faisait ça une fois par semaine, ou sauf quand il y avait un événement exceptionnel, comme là, l'intervention des flics à Vincennes. Donc on tourne dans la journée, et hop, c'est bon. Donc on s'était engagé à ça. Mais évidemment, c'était très très lourd à porter. Je me rappelle, il y a une chose très très belle, c'est qu'il y avait Chris Marker qui nous avait ramené de Cuba un « Ce n'est qu'un début, continuons le combat » en tam-tam. Enfin, c'était des percussionnistes cubains qui avaient fait un morceau avec ce n'est qu'un début continuum commun. Et ça servait de générique au truc. Mais si tu veux, moi je crois que cette époque-là, pour Jean-Luc en tout cas, cette époque-là, la vidéo, c'est une idée. C'est pas encore une pratique. C'est l'idée que ça serait bien de faire ça. Et donc c'est l'essai de faire ce qui serait bien, et puis c'est face aux difficultés de ce qui est bien. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire c'est que Jean-Paul, Daniel, on avait tous autour de 20 ans à ce moment-là, donc nous cette technique-là, c'était nouveau, c'était un monde qu'on invente, qui s'inventait en même temps que nous. Je veux dire, pour des gens comme Jean-Luc, tout ça, etc., la vidéo, c'était un truc étrange, je veux dire, et en plus qui apportait des contraintes. Qu'on a vaincu bien après, parce que quand est-ce qu'on a commencé à réellement monter, à pouvoir monter sans trop de difficultés? 75, hein, 73 ou 14, quoi. Avant cette date-là, le montage était quasiment impossible. Donc c'était vraiment très lourd. C'était du direct. Ouais, c'était du direct, et c'était du demi-pouce, noir et blanc, ouais, c'est ça. C'était ce que, ontologiquement, la télévision, c'est du direct. Parce que là, on est en octobre, on est à l'automne 68, là. Oui, c'est ça, on va être en octobre 68, octobre ou novembre 68. Non, ça ne peut pas être en octobre 68, mais la fac ouvre le 15 janvier. Voilà, t'as raison. Ah oui, c'est dans l'année 69. C'est l'année, c'est quand les élections. C'est les élections, c'est quand la CGT et les flics sont venus aux élections. Donc, il a raison. C'est en juin quand il y a les élections. C'est juin, le référendum, c'est les PAC. Non, mais les élections à la fac. À la fac, tu sais bien que la CGT était venue, dirigée par Jacquin, qui était le chef des groupes de la CGT pour les intellectuels, parce que la CGT pour les intellectuels, c'était pour leur taper dessus. Et donc c'était Jacquin qui faisait le chef, là, et les flics étaient venus, et la CGT. Et les flics étaient venus intervenir. Et ça, c'est ça. Et ça, ça doit être... Tu as raison, 2 mois après l'ouverture de la fac. Les premières élections du Conseil. 2 ou 3 mois après l'ouverture de la fac. Donc 60 mars. Ouais. Mais on voit des caméras. On voit la caméra de légère. On voit le EIAJ gris, là, comme ça, qui pèse. C'est lourd. Mais on voit aussi une autre caméra, qui est la caméra de la... Parce que Paris 8 était farci de caméras partout. En pec de pouce. Des grosses trucs. Et on voit ce truc. Oui, en pec de pouce. Il y a une autre équipe, c'est l'équipe de la fac. Ouais. Parce que c'est le service audiovisuel. Parce qu'à la création de la fac, on avait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on était équipé en pec de pouce. Il y avait un studio de télévision équipé en pec de pouce. Il a venu tourner 2 fois. Il y avait un laboratoire où on développait l'inversible. Donc ça aussi, ça veut dire que c'était très simple pour nous tourner. Je veux dire, et le mythe que les laboratoires ne travaillaient pas du tout en maison 68, c'est un peu un mythe, hein, parce que là, les copains de Cognac G... Donc de la télé. De la télé à Cognac G, qui avait un laboratoire, ils continuaient à développer. Et quand on avait vraiment des problèmes, on allait à Cinégramme à Genève. Hein. On a développé beaucoup de choses à Cinégramme à Genève. Je veux dire, et puis il y avait plein de choses qui étaient développées à Cognac G par les copains qu'on avait à l'intérieur de la télé. Parce que quand on parle des états généraux du cinéma, sur les cinémas, ça semblait... il y a eu beaucoup de paroles et peu d'actes. Mais c'est les gens qui sont vraiment mouillés, c'est les gens de la télé. Parce que eux, c'était vraiment leur job. Quoi. Je veux dire, d'abord, ils ont été virés massivement après. Il y a eu des charrettes énormes. Et ils étaient très impliqués justement sur les trucs matériels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sans eux, même après, on développait là. Il y a beaucoup de choses que sans cette possibilité de développer à Cognac G, on n'aurait pas fait. Hein. Mais l'essentiel de la pellicule en 68, des états généraux du cinéma, était développé à Bruxelles ou à Milan. Bruxelles ou à Cinégramme. Ou à Milan. Ouais, et deux voies essentielles de la pellicule. Ouais, elle est longtemps. Et ça, c'est quand ils tournaient en négatif, mais souvent tournaient en inversif, tu vois, parce que. Parce que c'était les modes de recyclement. Parce que si tu veux, il y avait un des modes de fonctionnement, c'était le pillage de l'ORTF. Les opérateurs à la télévision, avant, quand ils partaient en reportage, on envoyait 3 boîtes de 120 mètres, inversibles. Ils n'utilisaient jamais les 3 boîtes. Tu vois, quand tu vas aller tourner l'arrivée du Tour de France, le mec, tu tournes, hop, bonjour, bonjour, hop, voilà, une boîte. Donc il y avait 2 boîtes en rab. évidemment, elle servait à autre chose, ces deux boîtes en rap. Il y avait toute une économie parallèle où il y avait des gens qui se faisaient de l'argent. Il ne faut pas croire que c'était que bénévole, hein, cette économie parallèle. Mais il y avait une économie parallèle. C'est la perruque. Oui, c'est la célèbre Colonna. Il doit avoir cette villa en Corse maintenant. Si tu veux, c'était une économie parallèle. Mais c'était une économie qui permettait de faire des films à des prix qui étaient peut-être même moins chers que de les faire en vidéo. Tu vois, j'en sais rien quand on dit ça, j'en sais rien. Mais à des prix faisables. Et l'autre problème au début, à l'origine de la vidéo, mais ça tout le monde va. C'était aussi le problème de la diffusion. Voilà, c'est un des points qu'on va aborder. Tu vois, c'était le problème dans de la diffusion. C'est que c'est vrai que, quand même, contrairement à ce que dit Jean-Luc, dans tous les gros comités d'entreprise, il y a un projecteur 16 mm. Tu vois ? Voire un 35. Dans les comités d'entreprise des projecteurs de la vidéo, il n'y en avait pas encore à l'époque. Je veux dire, après, il y en a eu, à partir des milieux des années 70. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Tandis que dans tous les lycées de France, dans tous les comités d'entreprise de France, tu avais une salle de projection. Et donc le support chimique, quelque part, était plus simple. Oui, mais il fallait commencer. Ben, évidemment. Mais c'est vrai que quand ils ont fait certifier exact les exclus de l'ORTF, Roger Louis, le grand Roger Louis, viré, Bernard Tournoy, jeune reporter, etc., ils créent un magazine de contre-information certifié exact, ils le font en 16 mm. Voilà. Ils le font pas en vidéo. Mais quand même, c'était magnifique de voir surgir. Moi, je ne connaissais pas ce document. Et puis, il y a très peu de temps, j'ai vu le film de Peter Brook qui se passe en 68. Et il y a une séquence où on voit un comédien qui est filmé et on voit son image en direct sur le. Et je me disais, tiens, il y avait déjà ça en Angleterre. Moi, je la mettais un tout petit peu plus tard, la vidéo. Mm-hmm. Donc,